La moitié de la terre, c'est beaucoup. Et pourtant, je suis là. Des milliers de mille entre nous à t'attendre chez moi. Tu ne fais que changer d'avion. Moi, je ne change pas. Mais le temps me paraît plus long chaque fois. Je m'ennuie de toi, je m'ennuie, je m'ennuie sans toi. Je cours et je viens et je cours sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi. Je ne sais pas combien de semaines je pourrais me